Deuxième livre de Samuel, chapitre 13. Or il arriva après cela qu'Absalom, fils de David, ayant une sœur qui était belle, et qui se nommait Tamar, Amnon fils de David, l'aima. Et il fut si tourmenté de cette passion, qu'il tomba malade pour l'amour de Tamar sa sœur, car elle était vierge, et parce qu'il semblait trop difficile à Amnon de rien obtenir d'elle. Or Amnon avait un intime ami nommé Jonadab, fils de Sima frère de David, et Jonadab était un homme fort rusé. Et il dit à Amnon, fils du roi, « Pourquoi deviens-tu ainsi exténué de jour en jour, ne me le déclareras-tu pas ?» Amnon lui dit, « J'aime ta sœur de mon frère Absalom. » Alors Jonadab lui dit, « Couche-toi dans ton lit, et fais le malade, et quand ton père te viendra voir, tu lui diras, je te prie que ma sœur Tamar vienne, afin qu'elle me fasse manger, en apprêtant devant moi quelque chose d'appétit, et que voyant ce qu'elle aura apprêté, je le mange de sa main. » Amnon donc se coucha, et fit le malade, et quand le roi le vint voir, il lui dit, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne, et fasse deux beignets devant moi, et que je les mange de sa main. » David donc envoya vers Tamar en la maison et lui fit dire, « Va-t'en maintenant en la maison de ton frère Amnon, et apprête-lui quelque chose d'appétit. » Et Tamar s'en alla en la maison de son frère Amnon, qui était couché, et elle prit de la pâte, et la pétrit, et en fit devant lui des beignets, et les cuisit. Puis elle prit la poêle, et les versa devant lui, mais Amnon refusa d'en manger, et dit, « Faites retirer tous ceux qui sont auprès de moi, et chacun se retira. » Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte-moi cette viande dans le cabinet, et que j'en mange de ta main. » Et Tamar prit les beignets qu'elle avait faits, et les apporta à Amnon son frère dans le cabinet. Et elle les lui présenta, afin qu'il en mangeât, mais il se saisit d'elle et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Et elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me viole point, car cela ne se fait point en Israël, ne fais point cette infamie. Et moi, que deviendrais-je avec mon opprobre, et toi, tu passerais pour un insensé en Israël. Maintenant donc parle-en, je te prie, au roi, et il n'empêchera point que tu ne m'aies pour femme. » Mais il ne voulut point l'écouter, et il fut plus fort qu'elle, et la viola, et coucha avec elle. Après cela, Amnon la haït d'une grande haine, en sorte que la haine qu'il lui portait, était plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle, ainsi Amnon lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Et elle lui répondit, « Tu n'as aucun sujet de me faire ce mal, que de me chasser, ce mal est plus grand que l'autre que tu m'as fait, mais il ne voulut point l'écouter. » Il appela donc le garçon qui le servait, et lui dit, « Qu'on chasse maintenant celle-ci d'auprès de moi, qu'on la mette dehors, et qu'on ferme la porte après elle. » Or elle était habillée d'une robe bigarrée, car les filles du roi, qui étaient encore vierges, étaient ainsi habillées. Celui donc qui le servait la mit dehors, et ferma la porte après elle. Alors Tamar prit de la cendre sur sa tête, et déchira la robe bigarrée qu'elle avait sur elle, et mit la main sur sa tête, et s'en allait en criant. Et son frère Absalom lui dit, « Ton frère Amnon n'a-t-il pas été avec toi ? Mais maintenant, ma sœur, tais-toi, il est ton frère, ne prends point ceci à cœur. » Ainsi Tamar demeura tout désolé dans la maison d'Absalom son frère. Quand le roi David eut appris toutes ces choses, il fut fort irrité. Or Absalom ne parlait ni en bien ni en mal à Amnon, parce qu'Absalom haïssait Amnon, à cause qu'il avait violé Tamar sa sœur. Et il arriva au bout de 2 ans entiers, qu'Absalom ayant les tondeurs à Baal-Hatsor, qui était près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Et Absalom vint vers le roi, et lui dit, « Voici, ton serviteur a maintenant les tondeurs, je te prie donc que le roi et ses serviteurs viennent avec ton serviteur. » Mais le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, je te prie que nous n'y allions point tous, afin que nous ne te soyons point à charge, et quoiqu'il le pressa fort, cependant il n'y voulut point aller, mais il le bénit. » Et Absalom dit, « Si tu ne viens point, je te prie que mon frère Amnon vienne avec nous. » Et le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il avec toi ?» Et Absalom le pressa tant, qu'il laissa aller Amnon, et tous les fils du roi avec lui. Or Absalom avait commandé à ses serviteurs, en disant, « Prenez bien garde, je vous prie, quand le cœur d'Amnon sera gai de vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'aurai commandé ? Fortifiez-vous, et portez-vous en vaillant homme. » Et les serviteurs d'Absalom firent Amnon, comme Absalom avait commandé, puis tous les fils du roi se levèrent, et montèrent chacun sur sa mule, et s'enfuirent. Et il arriva qu'étant encore en chemin, le bruit vint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi, et qu'il n'en était pas resté un seul d'entre eux. Alors le roi se leva, et déchira ses vêtements, et se coucha par terre, tous ses serviteurs aussi étaient là avec leurs vêtements déchirés. Et Jonadab fils de Sima, frère de David, prit la parole, et dit, « Que mon seigneur ne dise point qu'on a tué tous les jeunes hommes fils du roi, car Amnon seul est mort, parce que ce qu'Absalom s'était proposé dès le jour qu'Amnon viola Tamar sa sœur, a été exécuté selon son commandement. Maintenant donc que le roi mon seigneur, ne mette point ceci dans son cœur, en disant que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Or Absalom s'enfuit, mais celui qui était en sentinelle levant les yeux, regarda, et voici, un grand peuple venait par le chemin de derrière lui, à côté de la montagne. Et Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui viennent, la chose est arrivée comme ton serviteur a dit. » Or aussitôt qu'il eut achevé de parler, voici on vit arriver les fils du roi, qui élevèrent leur voix, et pleurèrent, le roi aussi et tous ses serviteurs pleurèrent beaucoup. Mais Absalom s'enfuit, et se retira vers Talmaï, fils de Ammihud roi de Gesur, et David pleurait tous les jours sur son fils. Quand Absalom se fut enfui, et qu'il fut venu à Gesur, il demeura là 3 ans. Puis il prit envie au roi David d'aller vers Absalom, parce qu'il était consolé de la mort d'Amnon.